les bouleaux et les trembles sont devenus des arbres d'or, et seul un grand chêne garde encore sa verte couronne. La matinée est fraîche. Un vent aigre agite le ciel gris et rougit les doigts des petits enfants. Pierre, Babet et Jeannot vont ramasser les feuilles mortes, les feuilles qui, naguère, du temps qu'elles vivaient, étaient pleines de rosées et de chants d'oiseaux, et qui maintenant couvrent par milliers le sol de leurs petits cadavres desséchés. Mortes, elles sentent bon. Elles serviront de litière à Riquette, la chèvre, et à Roussette, la vache. Pierre a pris sa hotte, c'est un petit homme. Babet a pris son sac, c'est une petite femme. Jeannot les suit avec la brouette. Ils ont descendu la côte en courant. À l'orée du bois, ils ont rencontré les autres enfants du village qui viennent aussi faire provision de feuilles mortes pour l'hiver. Ce n'est point un jeu, c'est un travail. Mais ne croyez pas que ces enfants soient tristes parce qu'ils travaillent. Le travail est sérieux, il n'est pas triste. Bien souvent, on l'imite pour jouer et les amusements des enfants reproduisent, la plupart du temps, les ouvrages des grandes personnes. Voilà les enfants à l'œuvre. Les garçons font leurs tâches en silence. C'est qu'ils sont déjà des paysans et que les paysans parlent peu. Il n'en est pas de même des paysannes. Nos petites filles font marcher leur langue tout en remplissant les paniers et les sacs. Cependant, le soleil qui monte réchauffe doucement la campagne. Des toits du hameau s'élèvent des fumées légères comme des haleines. Les enfants savent ce que disent ces fumées. Elles disent que la soupe au pois cuit dans la marmite. Encore une brassée de feuilles mortes et les petits ouvriers prendront la route du village. La montée est rude. Courbés sous le sac ou penchés sur la brouette, ils ont chaud et la sueur leur monte au front. Pierre, Babet et Jeannot s'arrêtent pour souffler. Mais la pensée de la soupe au pois soutient leur courage. Poussant et soufflant, ils arrivent enfin. Leur mère, qui les attend sur le pas de la porte, leur crie « Allons les enfants, la soupe est trempée !» Nos amis la trouveront excellente. Il n'est si bonne soupe que celle qu'on a gagnée. Suzanne. Le Louvre, vous le savez, est un musée où l'on conserve de belles choses et des choses anciennes. On a raison, car la vieillesse et la beauté sont également vénérables. Or, parmi les antiquités les plus touchantes du musée du Louvre, il est un morceau de marbre usé et rompu en beaucoup d'endroits, mais sur lequel on distingue nettement encore deux jeunes filles qui tiennent à la main chacune une fleur. Ce sont deux belles personnes. Elles étaient jeunes dans la jeunesse de la Grèce. C'était, dit-on, l'âge de la beauté parfaite. Le sculpteur qui nous laissa leur image les a représentées de profil, se présentant l'une à l'autre une de ces fleurs de lotus que l'on disait sacrées. On respirait dans leur calice bleu l'oubli des maux de la vie. Nos savants se sont beaucoup occupés de ces deux jeunes filles. Ils ont consulté à leur sujet beaucoup de gros livres, reliés les uns en parchemin, d'autres en veau, et plusieurs en peau de truie. Mais ils n'ont pas su pourquoi ces deux belles jeunes filles élevaient une fleur dans leurs mains. Ce qu'ils n'ont pu découvrir après avoir travaillé, médité, sué, pâli, Mademoiselle Suzanne l'a trouvé tout de suite. Son papa l'avait mené au Louvre, où il avait affaire. Mademoiselle Suzon regardait les antiques avec surprise, et voyant des dieux à qui il manquait les jambes, les bras, la tête, elle se disait en elle-même « Ah ah, ce sont là les poupées des messieurs, et je vois que les messieurs cassent leurs poupées comme font les petites filles. » Mais quand elle passa devant les deux jeunes filles qui tiennent une fleur, elle leur envoya un baiser, parce qu'elle les trouvait jolies. Son père lui demanda alors « Pourquoi s'offre-t-elle l'une à l'autre une fleur ?» Et Suzanne répondit aussitôt « Pour se souhaiter leur fête. » Puis, ayant réfléchi un moment, elle ajouta « Leur jour de fête est le même, elles sont toutes les deux pareilles et elles s'offrent la même fleur. Les amies devraient avoir toutes le même jour de fête. » Maintenant, Suzanne est loin du Louvre et loin des vieux marbres. Elle est dans le royaume des oiseaux et des fleurs. Elle passe dans les champs, à l'abri des bois, les jours clairs du printemps. Elle joue dans l'herbe, et c'est le plus doux jeu. Elle songe que c'est aujourd'hui la fête de son amie Jacqueline. C'est pourquoi elle va cueillir des fleurs, qu'elle donnera à Jacqueline avec des baisers.